Jeudi. Et oui, hier, mercredi 12 septembre, avait lieu la conférence de presse d'Apple au sujet de l'iPhone 5 et quelques autres produits. C'était en direct sur Internet qu'on suivait ça sur tous les blogs. Malheureusement, il n'y avait pas de live stream. Non, on ne pouvait pas le regarder. Mais par contre, Apple, depuis hier, a posté la vidéo au complet, finalement. Donc, on peut la regarder. Commençons en parlant un petit peu de comment ça s'est déroulé. Au début, Tim Cook de Apple est monté sur scène pour démarrer la conférence de presse. Et là, on va lire un petit peu les commentaires de Clubic.com qui j'ai cherché sur les blogs francophones la meilleure place qui en parlait le plus en résumé, mais en même temps le plus détaillé possible. Et c'est Clubic qui gagne. Donc, ils ont commencé en disant qu'Apple distribuait désormais directement ses produits physiques dans 380 boutiques réparties dans 12 pays, que 83 millions de personnes ont visité au mois d'avril et de juin. Hein? Quant à ses produits dans le nuage, ils sont également vendus directement par Apple au travers de ses App Store et 7 millions d'ordinateurs ont été mis à jour vers Mountain Lion, leur plus récent système d'exploitation. Apple revendique avoir vendu plus d'iPad qu'aucun fabricant d'ordinateurs n'a vendu d'ordinateurs. En parlant de dispositifs iOS, Apple en aurait vendu 400 millions à compter du mois de juin 2012 à comparer aux 500 millions d'appareils Android revendiqués par Google. Donc, ça veut dire plus d'Android? J'imagine qu'ils n'ont pas précisé ça lors de la conférence de presse. C'est l'article qui nous le précise. Le catalogue d'applications iOS compterait 700 000 applications, dont 250 000 adaptées à l'iPad. Et là, évidemment, l'article demande « Quantité rime-t-il avec qualité? » Hein? On sait pas. Plus d'applications, mais c'est comme ça. Bon, donc on a commencé ensuite à parler de l'iPhone et le nom est définitivement donc confirmé, c'est iPhone 5 et non pas le nouvel iPhone comme les gens le craignaient. Quoique depuis la sortie de l'invitation avec le 5 en ombrage en dessous, là. Ouais, ça laissait présager. Tout le monde le savait. Ouais. On commence par ses attributs physiques. Il s'articule autour d'un écran Retina Display de 4 pouces. Donc maintenant. C'est un pouce plus grand? Plus grand, mais en diagonale. Okay. Donc, c'est la même largeur, l'appareil. Ils ont simplement augmenté la... La largeur reste pareil? Oui, pareil, okay. pareil. Donc, 640 pixels de large, ratio 16:9. Donc, vraiment pareil comme la plupart des vidéos qui sont distribuées en ligne, là, les films que vous pouvez acheter sur le iTunes Store. Donc, plus de bandes noires. Il pèse 112 grammes pour 7,5 mm d'épaisseur. C'est 20% plus léger et 18% plus fin. L'épaisseur, c'est presque 20% de moins épais, ça vaut la peine. Même que j'ai lu des commentaires disant que le téléphone, au début, quand tu le prends, a l'air quasiment trop léger, genre bout de plastique, c'est cheap, tellement qu'ils l'ont rendu léger. Okay. Mais moi, je trouve ça parfait, léger. Mais il y en a qui aiment ça, avoir quelque chose, tu sais, d'avoir l'impression d'avoir payé pour quelque chose. Ouais. Et de hauteur, on gagne quoi? C'est un peu plus long? C'est à peine plus haut, parce qu'ils ont enlevé de la bordure. En haut et en bas, donc le bouton en bas, si je me rappelle bien, le bouton home est un petit peu plus petit. Donc ils ont vraiment rétréci les marges en haut et en bas pour réussir à pas trop le rendre trop élevé. Okay. Toutes les applications d'origine, l'essentiel des applications Apple et certaines applications phares tirent déjà profit de cette surface plus importante. Le calendrier, par exemple, peut désormais afficher une semaine de travail complète. Avant, tu pouvais pas travailler le vendredi parce que tu le voyais pas sur ton iPhone. Pas littéralement. Tu voyais pas le vendredi. Connectivité, l'iPhone 5 dispose pour commencer d'une puce LTE fonctionnant dans le monde entier, contrairement à celle de l'iPad 3e génération. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir aller sur le réseau 4G LTE que certains fournisseurs offrent, comme Bell, Rogers et je crois c'est TELUS, mais les autres n'offrent pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vais potentiellement changer de compagnie pour pouvoir avoir le réseau plus rapide. Il dispose également d'un contrôleur Wi-Fi N double bande grimpant à 150 MB par seconde. Sur le plan technique, la 6e génération d'iPhone abrite une nouvelle puce Apple A6 présentée comme deux fois plus performante. Donc on dit vraiment deux fois plus performante que l'iPhone 4S, tant du point de vue du processeur normal que du processeur graphique. La puce serait néanmoins 22% plus petite, ce qui présage un meilleur rapport autonomie-performance. L'iPhone 5 devancerait l'iPhone 4S en dépit des améliorations techniques, donc on aurait plus de batterie pour beaucoup plus à gérer avec cette batterie-là, avec l'iPhone 5. Pour les photos, l'iPhone 5 évolue un petit peu, mais vraiment pas tant que ça. Le capteur, proprement dit, reste un CMOS rétro-exposé à 8 millions de pixels. Fascinant. Ça reste pareil? Ça reste pareil. Les principaux apports proviennent en fait du gain en puissance de calcul. Donc, le déclenchement serait plus rapide. Le bruit serait mieux maîtrisé parce qu'il y a 3 microphones sur l'iPhone, dont ça, un c'est cool. De l'autre côté, dans le fond du côté du film. Donc, ça va enlever le bruit ambiant. Fonction de panoramique qui fait son apparition. Donc on va pouvoir prendre des photos de plusieurs photos de fil et puis ensuite venir les coller ensemble. Vidéo Full HD 1080p avec une stabilisation électronique améliorée. Détection des visages et possibilité de photographier simultanément. Donc tu peux prendre une vidéo et prendre une photo pendant que tu captures une vidéo. Ah, oh, c'est cool. C'est quand même bien. En face avant, le nouveau capteur CMOS se passe à la HD 720p et on reconnaît les visages maintenant. FaceTime fonctionne désormais par cellulaire. En tout cas, je sais pas, ça va être sur tous les fournisseurs, parce qu'il y a des fournisseurs aux États-Unis qui n'aiment pas ça du tout. Ouais. Donc, FaceTime, c'est pour faire la conversation vidéo en temps réel. En temps réel. Un peu comme Skype. Ouais. En fait, un peu, c'est la même chose, sauf, à ce qui paraît, la qualité est géniale. Possible, parce qu'il y a peut-être pas grand monde qui l'utilise, donc peut-être que je ça prend moins de bande passante sur les réseaux. Mais qualité vidéo... Ouais. Tu sais, vidéo et puis le son, en fait, là, moi, ce que je me suis fait dire, je sais pas, je l'ai pas essayé non plus, là, mais c'est génial. Ouais. J'ai pas eu la chance d'essayer non plus, je suis encore sur mon 3G. Je suis rendu à changer de téléphone et ça donne drôle qu'on tombe sur le 5. Hein. C'est pas mal là que ça se passe. Nouveau connecteur en place, celui qui était en place sur le premier iPhone, donc depuis, je crois que c'était 2003 l'année, sinon 2002, mais il me semble 2003, que c'était le même dock connector, le gros 30-pin, le gros truc qu'on utilise pour brancher nos iPhones et iPod Touch, le gros fil, ça change, ça devient un connecteur qui s'appelle Lightning, qui reste quand même unique à Apple, mais qui est 80% plus petit que nos anciens bouts de fil et plus résistant. Et ce qui est assez fantastique, c'est que vous pouvez le brancher des deux côtés. Ah ouais, peu importe le sens, ouais. Ok. Oh. Ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Évidemment, des adaptateurs vont être proposés par Apple pour les accessoires que vous avez déjà achetés depuis 2003. Scott Forstall a pris la parole pour présenter iOS 6. On l'avait déjà vu un petit peu précédemment, mais on connaissait la plupart des fonctionnalités. Guidage routier, nouveau Safari, des trucs Siri qui ont été ajoutés, l'intégration de Facebook, plein de trucs comme ça qui s'en viennent dans iOS 6. L'iPhone 5 va être décliné en noir et blanc, donc en noir et en blanc, et en 16, 32, 64 gigs, tout comme les prédécesseurs. C'est ce que je comprends pas. Hein. Les années avancent, mais les grosseurs de capacité restent les mêmes. Comment ça fait que la base n'est pas 32 gigs pour le même prix que le 16? C'est parce qu'on n'est pas encore rendu là d'un prix, là. Ça coûte encore cher, mais ouais. J'ai hâte qu'on passe à une prochaine étape. Au moins, il n'y a plus de 8 gigs. Ouais. Ça, c'est quand même bon. Trois capacités qui sont facturées donc à 200, 300, 400 $ américains avec abonnement. L'iPhone 4S, on l'a su, avait changé de prix, était rendu à 100 $ et le 4 va descendre à 0 $. Dans le fond, tout ce qu'il y avait avant, 3GS, 4 et 4S... 3GS, ça n'existe plus. Non. On n'en retrouve plus. Tout glisse vers le bas. Donc, le 4 prend la place du 3GS, le 4S Parfait. Prend la place du 4, etc. Donc, ça va être lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Canada aussi le 21 septembre. Oui, c'est bien précisé que le Canada, c'est le 21 septembre. Et puis après ça, on va faire la file? C'est parce que, dans le fond, les précommandes vont commencer demain matin. Demain étant vendredi 14 septembre, les précommandes commencent. Même chez toutes les compagnies canadiennes que vous connaissez, c'est là que ça commence. Et puis après ça, on va pouvoir l'avoir pour le 21 septembre. Je sais pas si je devrais me présenter en magasin. Je sais qu'on peut le faire sur Internet aussi avec plusieurs compagnies. Peut-être ne pas prendre de chance et vous rendre sur place en personne. Si vous voulez être sûr de l'avoir. Ouais, c'est ça. Moi, je prendrais pas de chance. Ensuite, ils ont parlé d'iTunes 11, nouvelle génération de iTunes, la vue album qui permet désormais d'afficher la liste des titres d'un clic sur sa pochette. Donc, on va vous montrer, ça va être vraiment centré sur les pochettes d'albums iTunes 11. Et quand tu vas cliquer sur l'album, les titres vont apparaître en dessous. Donc, tu n'auras plus de listing de chansons à plus finir pendant 12 000 pistes une après l'autre. Une nouvelle vue permettant de naviguer par artiste fait également son apparition. Des contenus éditorialisés issus de ces derniers tels que des photos peuvent également s'afficher et le mini lecteur a été revu et offre désormais la possibilité d'afficher les prochains morceaux ou d'en chercher. Ça va être disponible au mois d'octobre. Pour l'instant, ils viennent de sortir hier soir, mercredi, la version 10.7 qui va prendre en charge iOS 6 et les nouveaux appareils qui sont sortis. Mais la nouvelle version avec la nouvelle interface est en octobre, j'ai entendu dire à la fin du mois. Okay. Ensuite, parlons des iPod Nano. Est-ce que t'aimes les iPod Nano? Est-ce que t'as déjà acheté ça? Non. Ça vaut pas grand-chose, ça. Ben non, c'est ça, exactement. C'est ça. Tant qu'à ça. Donc, Apple qui lance de nouveaux baladeurs pour commencer un nouvel iPod Nano, 7e génération. Il mesure 5,4 mm d'épaisseur. C'est incroyablement mince. 38% plus fin que son prédécesseur, qui était déjà mince. Il s'articule autour d'un écran tactile multipoint de 2,5 pouces. Donc, on peut utiliser plusieurs doigts de tactile, là. Qui permet d'afficher des vidéos en quand même assez grand écran là, comparé à l'ancien iPod Nano. Le iPod Nano le plus récent, c'était celui qui était carré avec une clip et qu'on pouvait, avec, j'imagine, un bout de son petit doigt, tasser l'écran parce que c'était tellement petit cette affaire-là. Ouais. Donc, ils ont compris que ça fonctionnait pas. Et d'ailleurs, les gens chialaient quand ils ont annoncé le nouveau iPod Nano, qu'on pouvait plus utiliser comme montre parce que tu sais, il y a plusieurs fabricants d'accessoires qui avaient fait des docks, des trucs montres que tu mettais ton iPod Nano sur ton poignet. Ce qui était pas bête. C'était pas bête, mais finalement, si on regarde combien ils en ont vendu, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui portent ça littéralement sur leur poignet. Donc ouais. Apple s'est dit, si personne n'est pour le faire, on va y redonner un format plus commun. Sauf que là, tu perds la clip. Et t'es obligé de le mettre dans ta poche ou encore d'acheter où il va en venir un avec de la même couleur que ton iPod Nano, une petite bandelette. Est-ce que c'est l'iPod Touch ou c'est l'iPod Nano, ça, à moins que je me mêle en ce moment, qui vient avec une petite strap de plastique, tout ce qu'il y a de plus Nintendo Wii presque. Non, c'est l'iPod Touch, excuse-moi. Ah, ben, c'est pas c'est logique, en plastique ça. Je crois que c'est en caoutchouc, quelque chose comme ça. Mais non, mais c'est ça, c'est pour le iPod Touch. Hein. Je t'avais parlé d'une petite tétine métallique qui était en arrière de l'appareil pour pouvoir y mettre la petite bande. C'est sur l'iPod Touch. Donc, l'iPod Nano, qui est supposé être le plus transportable et qu'on avait une clip avant, lui n'a pas cette petite tétine-là. Je comprends pas tout. Mais bon. C'est bon. Que voulez-vous? Donc, on continue. On disait qu'il y avait une connectivité Bluetooth sur le nouveau iPod Nano pour diffuser de la musique sans fil vers de nombreux équipements. Tu sais, les compagnies fabriquent des colonnes de son portables, Logitech, entre autres, et Jawbone. Pas de connectivité Wi-Fi, donc pas de AirPlay, donc pas de diffusion à partir de votre iTunes vers votre iPod ou de trucs comme ça. Il y a rien de tout ça. Ou du iPod vers votre Apple TV. Donc, on a parlé du nouvel iPod Touch il y a quelques secondes. Variante Wi-Fi du nouvel iPhone. Hein? Et quant à lui, une variante Wi-Fi du nouvel iPhone. J'ai des petits doutes sur... non, c'est pas un iPhone version légère, l'iPod Touch. C'est bien... Ben, un petit peu... Ouais, mais très légère, mettons. Ouais, voilà, tout à fait. C'est même pas la même puce dedans, donc même pas la même vitesse. C'est pas vraiment... Donc, dépourvu de connectivité cellulaire, il dispose du même écran 16:9 de 4 pouces, mais ne mesure que 6,1 mm d'épaisseur. Allez voir les photos, c'est assez impressionnant comment ils ont réussi à rendre ça mince comme ça. 88 grammes, puce Apple A5, donc d'ancienne génération, pas comme l'iPhone, abritant un CPU double cœur et deux unités de processeur graphique, et il compte une autonomie confortable de 40 heures en musique. En musique, pas en vidéo. Ouais, c'est bien. C'est quand même pas si pire. Son capteur dorsal est de type CMOS rétro exposé. C'est 5 millions de pixels, surmonté d'un objectif lumineux, plein de termes techniques. En matière de connectivité, on trouve du Bluetooth 4 avec mode basse consommation. C'est ce qu'on appelle le Bluetooth Smart Ready. Et ça prend en charge l'AirPlay Mirroring. On a parlé ensuite des écouteurs, les nouveaux écouteurs dont les rumeurs parlaient depuis des semaines. Ils s'appellent finalement les AirPods au lieu de EarBuds. C'est pour les écouteurs. Ouais. Donc les iPhone et iPods sont parmi les appareils les plus utilisés pour écouter de la musique. Et les écouteurs qui venaient avec étaient un petit peu pas très confortables. Je sais pas, moi en tout cas, je suis pas le seul. Les écouteurs ne tenaient pas dans mes oreilles. Tu sais, ils tombaient tout le temps, les maudits écouteurs de l'iPod. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié des centaines de paires d'oreilles Apple. Ils ont fait une moyenne. Une standard. Pour essayer de trouver la forme parfaite. Donc, nouveau modèle qui s'inspire des écouteurs intra-oculaires, très en vogue, avec un évent vers l'arrière en direction du conduit auditif et non vers le côté. Donc, c'est ça, le speaker, le haut-parleur, et vers l'intérieur de l'oreille encore plus. C'est blanc. Vas-y, oui, c'est blanc, tout à fait. C'est une chose que Apple, c'est bien beau le blanc, que c'est leur marque de commerce, là, mais tu sais, l'iPhone, il est noir. Il y a noir et il y a blanc. Donc, c'est pour que les gens sachent que. Qu'ils peuvent te voler ton appareil que tu viens de payer 400$ pour ça. Ouais. Ça ressemble à ça, hein. Ça fait une belle pub, tu sais. Ouais, ouais. En fait, je trouve ça logique, moi. Oui, mais je comprends pas pourquoi les lecteurs peuvent être de différentes couleurs de bas. Ils devraient tous être blancs de bas. Non? Ben, les lecteurs, en fait, c'est propre à toi. Tu sais, tu l'exposes pas nécessairement, mais ouais. Avec tes écouteurs, tu prends dans la rue. Malgré que, écoute, sinon, tu peux t'acheter des écouteurs complètement à part. C'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça, de meilleure qualité, tu sais. Ouais. De quoi de plus gros? Quelque chose avec du son qui a de la dedans. Ouais. Donc, le nouvel iPod Nano va être lancé au mois d'octobre au prix de 150$ en capacité de 16 gigs. Le nouvel iPod Touch, lui, ça va être au même moment. On parle du mois d'octobre. Entre 300 et 400$ pour 32 et 64 gigs. La précédente génération de l'iPod Touch reste au catalogue. Donc, encore fabriqué. Entre 200 et 250$ pour 16 et 32 gigs. Tu vois, je comprends pas ça. L'ancien iPod Touch, 50$ de différence entre le 16 et le 32 gigs. Hein? L'autre, entre 300 et 400 pour 32 et 64 gigs. Donc là, tu montes de 100$ de plus. J'aime pas vraiment payer aussi cher pour un ajout de disque. Mais bon, quand même. Mais ça va baisser, là. Oui, éventuellement, c'est ça. C'est ce qu'on entend, les commentaires des gens disent, « Ah, mais là, tu sais, j'ai entendu dire qu'il fallait pas que j'achète de l'iPhone tout de suite, là, mettons, là, que l'iPhone 5 sort, parce qu'ils vont l'améliorer. » Ben oui, mais c'est sûr, ils améliorent à chaque année. Ouais. Hein? Ça fait iPod normal, iPod 3, excuse-moi, iPhone, ensuite iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5. Et là, si on compte, on est rendu au 6e iPhone, puis il s'appelle iPhone 5. T'sais? Mais quand on pense que le 4, quand il est venu temps de sortir, en fait, là, il avait détecté une anomalie concernant l'antenne. Exactement. Ça a été rétabli. C'est ouais. Peut-être ça qui mais les gens ont peur. Chaque génération peut avoir un problème. Ça, tu peux pas les prédire à l'avance. Peut-être que l'iPhone 4S aurait pu être celui qui avait un problème d'antenne et là, il l'aurait réglé dans le 5. Peut-être que là, il va avoir un problème dans le 5, ils vont le régler dans le 5S. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Mais dans le 5S, il va aussi y avoir un problème. Ah, c'est sûr. Fait que là, tu attends tout le temps le prochain, tu n'achèteras jamais un autre. Là. C'est sûr. T'sais, tu n'as pas le choix. C'est ça qui est dommage. Je vous ai posté sur assemblagerequis.com un paquet d'autres articles, entre autres celui de CNET France, avec une quand même assez bonne galerie de photos. Il y a aussi quelques renseignements de plus sur les iPods, dont on parlera pas tant que ça. On a parlé, mais on n'en parlera pas plus que ça. Aussi, vous pouvez aller suivre l'événement en direct en suivant le live blog de HuffingtonPost.ca, qui avait pas mal d'allure. Et puis, j'ai posté aussi la galerie photo de The Verge, qui, moi, est mon site préféré. J'en ai déjà parlé de ma verge. TheVerge.com. Tout le monde est au courant de ta verge. Ben, elle est légendaire. Donc, les meilleures photos, d'après moi, sont toujours sur The Verge. C'est leur spécialité. Et je vous ai posté le lien direct. Même pas besoin de chercher. Pas besoin de chercher. À part sur le site d'assemblagerequis.com pour trouver l'émission du jeudi 13 septembre. Oh, c'est bon. Voilà. Et c'est ça. J'espère pouvoir me procurer sur l'iPhone 5 bientôt. Les iPods m'intéressent pas du tout. J'ai un iPod classique. Qui fait entièrement la job. C'est un quoi, 160 gigs, je pense, mon iPhone classique, iPod classique. Tu peux pas faire mieux que ça. Les iPod Nano et Touch ont seulement 16, 32, 64 gigs. 64 gigs, c'est à un prix qui est absolument pas achetable. Je comprends pas. Ouais, c'est ça. C'est pas énorme, 64 gigs. Ben non, mais là, faut tant que tu fasses le ménage dessus et que tu mettes aucune vidéo. Ça. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Assemblagerequis.com pour les liens. Voilà qui conclut cette édition de CX.zip. Merci d'avoir été à l'écoute. Retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Dash.com.